Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 243e des émissions. Nous sommes le mercredi 25 septembre déjà. Putain, eh oui. Mais pas du tout. Mais si, vas-y, c'est parce que tu ne connais pas spécialement tes jours. Oh, j'ai laissé allumer le four. Ça fait 12 jours. Non mais c'est pas plus dur, ça ne marche pas comme ça du tout. Nous sommes donc fin septembre. Ah, donc là... on la refait pas. Non, non, non. Non, j'aime bien. J'aime le chaos. Okay. Nous sommes donc fin septembre et la chanson Wake Me Up When September Ends, c'est Green Day. Mais est-ce que ce 25 septembre sera le Doreen Day? Elle va nous le dire tout de suite, c'est Doreen. Quelle intro. Alors, en fait, il y a vraiment un truc. Genre, tu l'as écrit quand? Il y a un rapport. Il y a très longtemps. Il y a un rapport vraiment, genre, temps passé à faire une vanne et humour de la vanne. Et là, il est raté. Ah oui. Ça va, Doreen? Ça va, merci. T'as compris Doreen Day quand même par rapport au groupe? J'ai compris, ouais, Doreen Day, Green Day. Ah putain, je l'ai pas compris. Ah, moi non plus, je l'avais pas du tout. Mais je l'avais. Wake me up when September. Oui, oui, ça, bien sûr. Day. 25 septembre, Doreen Day. Doreen Day. Oui, j'aurais dû dire Doreen Day. Il y a une anecdote par rapport à ça, c'est que. Il y a plein de gens sur Twitter, quand c'est le 1er octobre, oui. Ils écrivent à Green Day, ils disent « Wake up !» Et sauf qu'un jour, le mec de Green Day, il a dit « Ouais, mais en fait, j'ai écrit cette chanson parce que c'est le jour où mon père est mort, quoi. » C'est vrai. Voilà. Son blaze, c'est le base. Faudrait que je case à l'occasion. Bonjour, Basile. J'ai rarement aussi peu envie de partir aussi vite. Ça va? Ah non, aussi... Wow. Wow, oui, bah aussi non, autant, coup, envie, autant de envie de partir. Ah, là, oui, bah, très content d'être là, du coup. Ah ouais, bah, super, oui. En plus. Yes. Ouais. Ça va? Oui. Voilà. Très bien. C'est tout. C'était ouais. Ça ou Basile flottante. Donc vraiment. Bah, je préfère. Ok, bon, bah, je vais dire. Incroyable. Putain. Ah, bah, de toute façon, il y a une autre émission bientôt. Oui. Il rentre tout juste de sa lune de miel. Qu'il est déjà là pour faire une des émissions. C'est Nicolas, voilà. Nicolas. Je voulais dire bravo, salut. Tu t'es marié, donc bravo. Ça y est, je me suis lancé dans cette merveilleuse aventure. Et donc, c'était comment le Pas-de-Calais? Magnifique. Magnifique. Ouais, de très belles plages, beaucoup d'animaux. Différentes nuances vraiment... de gris. Ouais. C'est bien. Vraiment une très large palette de couleurs. On est entouré de gens mariés. Oui. Enfin, on. Qui? Guillaume. Oui. Moi, je dois dire que ça fait une heure et demie qu'on prend l'apéro et que j'ose pas redemander son prénom à Nicolas, que j'attendais. La deuxième émission. J'espère qu'on va faire une des émissions et la personne d'à côté parce que je me souviens pas de ça. Parce qu'au bout de 40 minutes, c'est gênant quand t'as oublié. Enchanté. Je veux me lever du banc, je peux pas lui parler. Regarde Nicolas, je t'ai amené un copain d'Axang dans le Cast King, Kong. C'est Guillaume, bonjour Guillaume. Et bonjour. L'huile d'olive Puget. Et lui, comment ça va? La camébière. À la KOE, Jules. Ça va? J'ai fait des signes de scooter en faisant chier. Oh mon gâté. Oui. Ça va le J? Oh oui, ça va bien. Tu vas bien? Et oui, oh. Voilà. Yes. Le cadeau. Vraiment. Voilà. Je propose qu'on mette aucun rythme dans cette introduction. Le cadeau né le 25 septembre, c'est donc le moment idéal pour vous offrir les énigmes de l'été. Voilà, pour adultes. Ah, ce sont des énigmes, ouais. Un petit livre. Oh, putain. Ça va, hein. Voilà, mes petites énigmes, comme par exemple. Oh, c'est long, putain. Les marins, elle est pas très longue. Ah, trouvez, allez-y, les auditeurs, trouvez les deux titres de films qui se cachent derrière ces deux rébus. Ah. Oui. Les deux titres de quoi? Les titres de films qui se cachent derrière ces deux rébus. Alors le premier rébus c'est AA et le deuxième c'est Calme. Le grand mais A. C'est pas des rébus. AA Calme, oui c'est ça. Double A. Agent double Z. Non pas du tout. Double Calme, attendez je vais trouver la réponse parce que double ça me... Double Calme. Double Calme. Page 57. Ah oui. D'accord. Alcoolique anonyme. En fait c'est deux trucs différents. Oui c'est ça. Le 2A c'est un truc et c'est Abyss. Parce qu'il y a deux Abyss. Abyss. Oh là attends, là. Il y a un truc qui est écrit en dessous de Calme, non? Non. Le Calme, calme blanc. Calme. Non. Calme blanc. J'ai déjà oublié la réponse. Il y a 717 gens... bizarrement. Je... Calme blanc. C'est vrai? Voilà. Bah oui, mais je savais. Super. Voilà, ça me fait 4 points donc. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous là? Non, je crois que c'est fini là. Il n'y a plus personne qui nous écoute. Ah oui, non, bah, ça j'espère que... pour eux. Bon, on est tous les 5. Donc les énigmes de l'été adulte, hein, je précise, à gagner, donc c'est dur. Oui, parce qu'il y a que des voilà, que des dessins de cul qui n'ont aucun rapport avec les énigmes, juste du cul. Une énigme du cul, c'est assez étonnant. La règle du jeu, on a 6 manches. Je crois que certains d'entre vous ici n'ont pas fait le tout début, qui est la toute nouvelle manche de la désémission. Ah, tu l'as fait, je crois pas. C'est les trous à compléter. Wow. Je m'en rappelle plus. Bah. Simanche, on a le tout début, après le tout début on a le début. Après le début on a la suite au terme de laquelle il y a un ou une éliminée, la personne qui a le moins de points. Ensuite le milieu, puis la presque fin au terme de laquelle il y a un autre ou une autre éliminée. Et la fin, les deux finalistes pour remporter les énigmes de l'été spécial adulte. Et ben on commence tout de suite avec le tout début. Putain, j'ai pas révisé. Le tout début, c'est une phrase à trous qu'il faut compléter. Okay. Je vais commencer à dire un texte. Et à un moment, je vais m'arrêter. Et là, vous dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole, et vous devez dire très vite ce qu'il y a dans la suite de ma phrase. Mais c'est quoi? C'est genre une chanson, un truc Non, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est des trucs connus, c'est pas des phrases que t'as inventées. Non. C'était ça ma question, c'était ça. Aujourd'hui, je suis allé au marché. Voilà. Basile Marché. Bravo. Voilà. Okay. Vous n'avez droit qu'à une réponse par trou, et il y a 5 trous à compléter, 5 points distribués. Gustave Courbet est né en 1819, et au-delà de ses talents reconnus de... Ah, Gustave Courbet est né en 1819. Et Basile, peintre. Peintre, un point pour Basile. Vous n'aviez c'était pas c'était un trou. Le grand-père de Julien. C'était un trou. Ok. Ah, donc ça continue le texte, là. Ah oui. Ah ouais. Un point pour Basile. Gustave Courbet est né en 1819, et au-delà de ses talents reconnus de peintre, il a été très impliqué dans un événement historique qui a eu lieu à Paris en 1871. Basile, oui. L'exposition universelle? Non. Non, c'était en 85. Oh, t'as... Calme-toi, on est là pour s'amuser, en fait. Il a été très impliqué dans un événement historique qui a eu lieu à Paris en 1871. Désolé, il y a Dorine, Nicolas, Basile et Wikipédia avec nous ce soir. Hein, mais j'avoue, je m'intéresse. Ah si, ça devait être le sacre de Napoléon III. Non. Il n'a pas dit son prénom. En plus. C'est ce qui s'appelle le sacre de Napoléon III. Le sacre de Napoléon III. Oui. Et c'était le salon de l'agriculture. Ce n'est pas ça. Il reste Dorine et Nicolas, c'est un événement historique qui a eu lieu à Paris en 1871. Non. Vous laissez tomber ce trou. C'était... La Commune de Paris. Élu au conseil de la Commune par le 6e arrondissement et délégué aux Beaux-Arts, il prend comme décision de blinder les fenêtres du... Basile, Sacré-Cœur, mais non. C'est pas ça, mais... Comme ça, on rigole. On rigole pas. Ah, Dorine. Guillaume avant. Panthéon. Non, Dorine. Le Louvre. Le Louvre, un point pour Dorine. Oh. Pour en protéger les œuvres. En avril, il est tenu responsable de la... Oui, parce que le Panthéon, oui. Protégez les morts. Le Sacré-Cœur. Protégez le... La cloche. Ouais. Protégez les vendeurs de bracelets. En avril, il est tenu responsable de la destruction d'un monument qui se trouve place Vendôme. Là... Le groupe Le Ganal. Le groupe Le Ganal. Non. Attends, tu peux. En avril, il est tenu responsable de la destruction d'un monument qui se trouve place Vendôme, là. Dorine, statue de Napoléon? Non. Personne n'est à la place Vendôme. C'est la régie, mais il y a peu. Guillaume, l'obé. Place Vendôme. Place Vendôme. Concorde, ça, place des riches. Mais si, mais il y a une obélisque. Oui, bah, il y a une statue un peu d'obélisque. Ah, Basile, la tour. Ah, c'est pas le bon terme. Ah, la tour Vendôme. La tour Non. Nico. Bah, Nicolas, l'obélisque. Non. C'était la colonne, tout simplement, la colonne Vendôme. C'est clairement une colonne. Et oui, obligé de s'exiler en Suisse par la suite, car le président de la République, Mac Mahon, décide de faire reconstruire la colonne pour plus de 300 000 francs aux frais de Courbet. En fait, on lui a dit, c'est ta faute si elle est détruite, parce que tu as incité les gens à le faire, donc tu as payé 300 000 francs. Il a dû payer ses 300 000 francs à partir du 1er janvier 1878. Gustave Courbet est mort de cause naturelle le 31 décembre. Nicolas. Ah, d'accord, c'est Dorine. Nicolas. 1878. Non. 1879. Non. Il a dû payer à partir du 1er janvier 1878 et Gustave Courbet est mort de cause naturelle le 31 décembre. Basile, 1880. Non. 1899. Mais non ! 81, du coup. 1877. Il est mort la veille. Ah, mais il est mort la veille de devoir payer les 300 000 francs de cause naturelle, vraiment. Sinon, le texte était nul, oui. C'est vrai. Il a dû payer, et ensuite, il est mort. Bah voilà, ruiné, vraiment. Il a eu 4 enfants, une petite maison secondaire. Ça lui a rien coûté, on s'en foutait complètement. Non, il est mort la veille de devoir payer la première traite de sa dette. Ça fait donc un point pour Basile, un point pour Dorine. Bravo, j'ai jamais eu un tout début avec aussi peu de points, on peut vous applaudir. Yes. Excellent. Ouais. On a géré. Il est temps de passer au début. Ah, Le début, c'est trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous dites votre prénom et vous attendez que je vous donne la parole. Pas le droit de répondre deux fois de suite. Cette fois, vous pouvez répondre plusieurs fois, mais pas deux fois de suite. Pour 5 points, oui. Qui a écrit à Jacques Chirac qu'il avait très envie de placer des explosifs dans son jardin ? Qui a écrit à Jacques Chirac qu'il avait très envie de placer des explosifs dans son jardin ? Guillaume, Renaud. Non. J'ai très envie de placer des explosifs dans le jardin. Qui a écrit à Jacques Chirac qu'il avait très envie de placer des explosifs dans son jardin ? Pour 4 points. En 1995, alors que cette personne se préparait à venir en France. Dorine ? Oui. Kadhafi ? Non. Cette personne allait venir en France et elle a écrit à Jacques Chirac en disant qu'elle avait très envie de placer des explosifs dans son jardin. Basile, Bill Clinton ? Non, pas Bill Clinton. Ce serait étonnant. Mais... En 1995. Qui a écrit à Jacques Chirac qu'il avait très envie de placer des explosifs dans son jardin ? En 1995, alors qu'il se préparait à venir en France pour 3 points, pour y représenter son pays situé dans le Pacifique. Une personne qui venait donc en France en 1995 pour représenter son pays dans le Pacifique. Si personne ne donne une réponse sur les 3 points, tu pourras faire une réponse. Basile. Non, mais de toute façon... Donc, il vient représenter son pays, il vient en France en 1995, et il a écrit à Jacques Chirac qu'il avait très envie de placer des explosifs dans son jardin. Basile, si tu veux répondre, tu peux répondre. C'est quelqu'un que vous connaissez tous et toutes. Hein. Oui, non, mais non, j'ai dit une grosse connerie. Pacifique. C'est de l'autre côté, le Pacifique. Ouais. Ah oui, mais si. Pas l'Espagne. Non. Qui a écrit à Jacques Chirac qu'il avait très envie de placer des explosifs dans son jardin en 1995, alors qu'il se préparait à venir en France pour y représenter son pays situé dans le Pacifique, pour 2 points ? En pleine campagne d'essais nucléaires réalisée par la France. Guillaume ? Oui. Jacques Brel ? Non. Quoi ? Bah, il était mort depuis 20 ans. Ah oui, oui, joli. Ah bon, pourquoi ? S'il a vécu la fin de sa vie en Polynésie ? Oui, aux îles Marquises. Ah, je savais pas. En gros, c'est une personne qui vient d'un pays du Pacifique pour le représenter. Et en pleine campagne d'essais nucléaires réalisée par la France. Pour le représenter. Pour représenter son pays. Oui, c'est ça. Oui. Et en pleine campagne, alors qu'il y a des essais nucléaires réalisés par la France, il a écrit à Jacques Chirac en disant qu'il avait très envie de placer des explosifs dans son jardin. Pour 1 point. Ce qui explique la phrase du rugbyman néo-zélandais que nous cherchons. 4 ans. Ah, Nicolas, Jonah Lomu. Jonah Lomu, 1 point pour Nicolas. Tu connaissais Dorine, non ? Non. Vas-y, non. Tu connaissais le nom, mais, ouais, non. Mais je pensais pas que c'était à cette époque-là. Ah, ok. Bah excusez-moi, pour moi il était plus récent. Un point pour Nicolas. Pourquoi il a dit ça ? Pourquoi il a dit ça ? On peut avoir du contexte ? Bah justement, en fait, il venait faire une. Calme-toi. Du contexte. Ah, je comprends, je comprends. Mais oui, je comprends la métaphore en fait. J'ai vu qu'il venait, il ferait. Ouais, mais quand même. Et non, en fait, voilà. Non, mais j'aimerais bien vous tuer. Il venait jouer avec la Nouvelle-Zélande contre la France, et donc il a dit à Jacques Chirac, bah, puisque vous mettez des bombes dans mon océan, moi je voudrais bien mettre des explosifs dans votre jardin. Au début, j'ai cru que c'était comment, c'est, le dictateur... Kadhafi ? Non. J'ai dit Kadhafi. Oui. C'était espagnol ? Espagnol, c'était... Franco ? Franco. Ah oui, c'était Franco. Oui, non, mais c'était bien avant. 95. Et surtout, au lieu de dire, je voulais dire Pinochet, rien à voir, et j'ai failli dire... On dit Pinocchio. Voilà. J'avais... Un point pour Nicolas. Franco, le Chilien. Un point pour Basile, un point pour Dorine, 0 pour Guillaume. Yes. Deuxième question. Quel événement politique s'est déroulé, puisque nous sommes le 25 septembre 2024, quel événement politique s'est déroulé le 25 septembre 2011 ? Dorine ? Oui. Élection d'Obama ? Non. Basile, le mariage pour tous ? Non, ce n'est pas le mariage pour tous. Non, c'est après ça. Quel événement politique ? Oui. Les printemps arabes ? Non. Un événement politique qui s'est... En septembre, enfin... Ah oui. C'était l'automne arabe. Ah oui, mais c'est l'autre hémisphère. C'est l'autre hémisphère. Mais oui, c'est pas les mêmes saisons. Putain. D'ailleurs, petite parenthèse, mais quand on était au lycée à cette époque-là, et la prof d'histoire elle nous demande est-ce que vous avez entendu parler de l'actualité ? Je dis ah oui, ils ont fait tomber la statue. Je voulais dire la statue de Ben Ali. Et j'ai dit ils ont fait hier ils ont fait tomber la statue de Big Ali. Big Ali. What ? Très belle émission de Big Ali. Je vous montrerai une vidéo de. Il y a une vraie vidéo Michel Delpech feed Big Ali qui est à pleurer de rire. Bah, pour nos auditeurs auditrices, oui, bah, quels sont les titres ? Non, mais c'est pas. Il y a un festival où il y a Michel Delpech qui joue. Je pense que c'était à la fête de l'UMA ou un truc comme ça. Et du coup, ils se sont dit, ouais, bonne idée de les mettre ensemble sur scène. Et du coup, il y a Michel Delpech qui chante On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, l'aurait cher, ouais. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. What? C'est génial. Magnifique. Je vous le conseille, voilà. Merci pour le conseil. Quel événement politique s'est déroulé le 25 septembre 2011 pour 4 points pour la première fois dans l'histoire de la 5ème République ? Pour la première fois dans l'histoire de la 5ème République, un événement politique s'est déroulé le 25 septembre 2011. Oui, Guillaume. Oui. Un président ne s'est pas présenté pour la seconde fois. Il a refusé de se présenter pour sa élection présidentielle pour la deuxième fois. Non, calme. Pas en septembre. Si, si. Parce qu'en fait, c'est François. Ah, mais il a dit si. Il a dit voilà. Non, c'est François Hollande qui a annoncé qu'il renonçait à se présenter pour la deuxième élection, enfin, pour les élections présidentielles. Et du coup, c'était la première fois dans la 5ème République que. Il est élu en 2012, Hollande. Merde, oui, c'est en 2017. Yes. Merde, j'ai confondu. Ok, je pense qu'elle va voir. T'as vu, t'y as cru. T'y as cru. Ah, ouais, j'ai cru. J'ai rarement vu autant de convictions. Ah si. C'est ça. Bon, allez, je vais aller changer sa page Wikipédia. Là. Si. Allez, 4 points. Ouais. Quel événement politique s'est déroulé le 25 septembre 2011 pour la première fois dans l'histoire de la 5ème République, pour 3 points, ce qui a résulté à l'élection de Jean-Pierre Bel en tant que président. Jean-Pierre Bel, dont le fils a également été très connu puisque c'est Babi. Babi. Yes. Bah je meuble, écoutez, vous ne trouvez pas cet événement politique pour la première fois de l'histoire de la 5ème République, ce qui a résulté à l'élection de Jean-Pierre Bel en tant que président, pour 2 points, en tant que président de cette institution située au Palais Luxembourg. Palais du Luxembourg, pardon. Vas-y d'abord. C'est. Tu peux répéter la phrase ? Ah non. Non. Ok. Bah, y a eu un nouveau président du Sénat parce qu'il est mort celui d'avant. Non, Dorine. Bah, j'allais dire le décès du président du Sénat. Non. Guillaume, oui. Le président du Sénat a démissionné. Non. A eu une toux. Quel événement politique s'est déroulé le 25 septembre ? La dissolution du Sénat. Non. Un événement politique qui s'est déroulé le 25 septembre 2011. C'est possible. Le gars est pas mort. Je suis pas sûr qu'il peut se dissoudre. On sait pas. Bah, du bicarbonate de l'acide. Il est pas mort, mais peut-être qu'il est né. Quel événement politique s'est déroulé le 25 septembre 2011 pour la première fois dans l'histoire de la 5ème République, ce qui a résulté à l'élection de Jean-Pierre Bel en tant que président de cette institution, située au Palais du Luxembourg, pour 1 point, et qui a donc vu son bord politique changer. Guillaume, oui. C'est la première fois où un président du Sénat était de gauche. Ouais, c'est la première fois où le Sénat était de gauche, ouais, même ouais. Tout à fait, c'est une bonne réponse à moi pour Guillaume. Première et unique fois que le Sénat a été de gauche en 5ème République entre 2011 et 2014, année où Saint-Gérard-Larcher, aux belles lèvres gonflées, a été élu. Terreur des cuisines du Sénat. Ça fait donc, c'est magnifique, 1 point pour tout le monde. Voilà. Oh bravo, c'est l'école des fans. J'ai jamais capté que ses lèvres étaient gonflées, parce que quand tout est gonflé... Oui, c'est vrai, rien n'est gonflé. C'est vrai. Il est temps passé à la troisième question du début, sans transition. Quel acteur a réalisé l'épisode Workbus de la saison 9 de la série The Office ? Basil. Oui. Bryan Cranston. Et bah 5 points pour Basil. Oh. Et oui, bravo Basil. Tu yes. Savais. T'es content parce que ça, c'est le genre de truc qui yes. Sais, mais tu sais pas quand leur caser quoi. Donc, ouais. Parce que vous la politique, j'y connais rien. C'est celui qui joue le Hal, le père de Malcolm, dans la série, et celui qui joue dans Breaking Bad, le professeur. Joli. De chimie d'Roger Walter White. Tout à fait. Et c'est drôle puisque le nom de famille de cet acteur est l'anagramme de la ville où se déroule cette série. Ah oui, Scranton. Scranton Cranston. Ah, je vais dire White. Washington. Etiou. Etiou. Ça fait donc. Donc personne ne l'avait à part Basile. Non, c'était pas possible. 6 points pour Basile, 1 point pour les autres. C'est ce qu'on appelle la gap. Bravo. Joli. Comme quoi, ça servait de regarder 13 fois The Office. J'avoue. Et tu l'as vu genre vraiment en le regardant l'épisode ou genre en lisant des trucs sur The Office oui. En lisant des petites trivia parce que je m'ennuie. Alors toi. Il est temps de passer à la suite. Et d'ailleurs, dans Le Seigneur des Anneaux, quand il tape le casque... Ah non ! Non ! Non ! Il faut arrêter avec ça ! C'est quoi ça ? C'est... Ah non, j'arrête là. C'est le truc... Je l'ai vraiment énervé. Non mais pas, mais c'est la, le truc que tout le monde sait. Sur, enfin, tout le monde. Oh, oh là, voilà, le, oh la condescendance. Oh, je suis gêné à sa place. Là. Enfin, les vrais. Vas-y, continue. Ou l'acteur Viggo. Bah, attends, voyons, Nico, est-ce que tu as vu Le Seigneur des Anneaux? Ouais. T'aimes bien en plus. Bof, mais ouais, ça okay, va. Ouais, ok, je t'ai mal cerné. Le pire, c'est que j'ai été ce connard où on a regardé le film dernièrement en version longue avec Dorine et je suis allé vers là. Et là, en fait, il fait pas semblant d'avoir mal. En fait, l'acteur Viggo Mortensen qui joue Aragorn, quand il shoot d'un casque d'orc sur le film, il hurle ensuite parce que, grosso modo, il est censé être énervé que les hobbits sont morts. Il pensait qu'ils étaient morts. Et alors non, il hurle parce qu'il s'est fracturé un ou deux orteils, je crois, en frappant dans le casque. Et j'ai vraiment été ce connard, j'ai dit à Dorine, là en fait, il fait pas semblant, il s'est fracturé deux orteils. Alors que je le savais. Ah ben voilà, en plus. Donc moi c'était une, c'était une blague là-dessus, et mais Guillaume l'a fait pour de vrai là, donc... C'était histoire de meubler, si jamais on n'avait pas assez de temps pour le... Oui, moi, je pense que ce niveau tournait pas mal. La suite, c'est trois listes dont il faut trouver les réponses, sauf la plus évidente. Ok. Par exemple, je veux dire, citez-moi un pays sauf la France, il faut dire plein de pays sauf la France. Okay. Donc il y avait un point par réponse trouvée et trois réponses ont été choisies au hasard. Ok. Une vaut 3 points au lieu d'un point, ah, oui, d'accord. Une vaut 2 points au lieu d'un point et une vaut 0 point, mais vous restez tout de même en course, c'est juste que ça ne rapporte pas de points. Dans chaque liste, il y a trois réponses. Et c'est nouveau. Incroyable. Une chose qui n'est pas nouvelle, c'est qu'à la fin de cette manche, la personne qui a le moins de points dégage. Wow. Aïe, voilà. Aïe, aïe. On n'est pas là pour rigoler. C'est triste. Basile a 6, les autres ont 1. Donc Basile, fais pas le con. C'est chacun la dernière fois, c'est ça qui s'est passé. C'était sur Avengers. Non, t'as cité des Marvel et j'ai dit Wonder Woman en première réponse. Ouais, voilà, putain. Mais j'ai quand même gagné. Première liste. Je vous demande de me citer une écurie ayant remporté le championnat du monde des constructeurs en Formule 1. Yep. Plusieurs réponses non, sont. Non, non, non. Plusieurs réponses sont possibles. Si une écurie a gagné 16 fois, vous pouvez dire 16 fois l'écurie. Ah, ok. Ah ouais. Sauf Benetton en 1995. Pourquoi j'ai mis Benetton? Parce qu'ils ont gagné qu'une fois. Comme ça au moins. C'est Benetton, ok. Oui. C'est la plus évidente pour mais toi. Tu viens de le dire. Non, c'est pas une question de le dire. Tout à l'heure, t'as dit la plus évidente. Non, mais oui, mais là, le problème, c'est que la plus évidente, elle en a gagné plusieurs. Donc je peux pas enlever toutes les réponses les plus évidentes. Ok. Basile, puisque tu apparemment tu connais la plus évidente, c'est toi qui commences, comme tu as marqué le plus de points dans les deux premières manches. Ferrari. C'est une bonne réponse. Alors, soit tu me dis une année, et si c'est pas la bonne année, je m'en fous, je prends la première la première dans l'ordre. Soit tu me dis pas d'année et je vais dans l'ordre croissant. Bon, je dis pas d'année. Très bien. Parce qu'il y a les réponses, forcément, peut-être la réponse à 3 points est casée dans le milieu. Ouais, voilà. Peut-être à un moment, j'irai une année, on verra. Ok, très bien. Bon, en tout cas, Ferrari 1961, c'est une bonne réponse. Dorine, Nicolas, Guillaume, le premier qui me dit son prénom. Dorine. Ferrari, une année? Non, hein, 2000. 2000. Eh ben c'est une bonne réponse, bravo. Moi je vous conseille de faire ça parce que du coup tu chopes des années dans le... C'était Choumi. Mais si, si tu tombes sur une année où c'est un autre qui a gagné, tu perds ou pas? Non. Mais fallait me dire ça. Non. Guillaume. Ferrari. C'est une mauvaise... Si vous me dites pas d'année tout de suite, moi je dis pas d'année. Ah ok, 97. 97, c'est une mauvaise réponse, donc on va partir sur 64. Ok. Bonne réponse. Nico. Ferrari, 87. Ferrari 87, mauvaise réponse, mais Ferrari 75, bravo, wow. Basile. Ferrari 2004. Ferrari 2004, bonne réponse. Eh oui. Dorine. Ferrari 95. Ferrari 95, non, mais Ferrari 76, bonne réponse. Guillaume, Ferrari. Ferrari 77, bonne réponse. Merci. Nico. Ferrari. Wow. Ferrari 79, bonne réponse. Je vais dans l'ordre croissant des dates. Hein. Basile. Ferrari 2003. Ferrari 2003, bonne réponse. Dorine. Ferrari 2020. Ferrari 2020, non, mais Ferrari 82, c'est une bonne réponse. Ouais, elle a hésité entre les deux. Guillaume. McLaren. McLaren 74, c'est une bonne réponse. Ferrari. Nico, Ferrari 83, c'est une bonne réponse. Là, on va rentrer dans une partie de roulette russe, là. Attends. Basile. Ferrari. 2005. 2005, non, mais Ferrari 1999, c'est une bonne réponse. Ouh, il y a eu un gros trou, disons. Dorine. Ferrari. Ferrari 2001, c'est une bonne réponse. Guillaume. McLaren. McLaren 84, c'est une bonne réponse. Chacun son combat. Hein. Nico. Je vous laisse les Ferrari. Ouais, donc Ferrari. Ferrari 2002, c'est une bonne réponse. Incroyable. Basile. Ferrari. 2000. Non, Ferrari 99. Ferrari 2007, c'est une bonne réponse. Ouais. Il est au 2000, c'est déjà passé. Ah oui, c'est vrai. Ferrari 2012. Ferrari 2008, non, c'est Hollande, une bonne réponse. Guillaume. McLaren. McLaren 85, c'est une bonne réponse. Nicolas. Ah, je pense qu'il va hésiter entre Ferrari et Ferrari, je pense. Ouais, 2008, je reste sur Ferrari encore. Ferrari, c'est une mauvaise réponse, tu sors de cette liste. T'avais, juste, t'avais dit 16 fois, on était à 16 là. J'ai vu que t'avais dit 18 fois. Ah, moi je pense qu'ils ont pas gagné. Non, j'ai dit 18 au hasard. Hein. Ah, 2, 3, moi je suis en train de compter. Je sais plus compter, j'ai pas dit. 12, 13, 14, 15, 16, il y en avait, oui, tout à fait. Ok. Bah, Basile. Red Bull. Red Bull, c'est une bonne réponse. En 2010. Dorine. Red Bull. Red Bull, c'est une bonne réponse. En 2011. Eh oui, mais Guillaume. Oui. Red Bull, je reste avec ça. Ça Red Bull, en 2012, c'est une bonne réponse. Salaud. Basile. Mais encore Red Bull. Red Bull, en 2013, c'est une bonne réponse. Ouais, c'est Alonso, non, Red, ah, Bull. Non Red Bull. Red Bull, en 2022, c'est une bonne réponse. Guillaume. McLaren. McLaren en 1988, c'est une bonne réponse. Basile. C'était combien le dernier Red Bull? C'était 2020, non, c'est ça, ouais. Non. Renault. Renault en 2005, c'est une bonne réponse. Dorine. Porsche. Porsche, c'est une mauvaise réponse, tu sors de cette liste. Guillaume. Renault. Renault en 2006, c'est une bonne réponse et c'est la réponse à 2 points. Oh, allez, le salaud. Basile. Renault. Renault. C'est une mauvaise réponse. Oh, tu sors de cette liste. Guillaume. Ah, je vais dire. Non, bah, je vais rien dire. Ah, ouais, Il te reste 3 réponses, Guillaume. T'es de l'année dans la liste. Tant que tu réponds bien, tu marques un point. Quand tu réponds mal, on s'arrête. Red Bull. Red Bull 2023, c'est une bonne réponse. Ok. Il reste, okay. Il reste 2 réponses. Oui. Red Bull. Mais alors, après 2023, non, c'est cette année. Ah oui, pardon. Ah, c'est trop tard. J'ai perdu. Ouais. Désolé. C'était Alpine. Désolé. Mais non, c'est Renault Alpine. Oui, mais non, ça a changé. Mais c'était Mercedes, celui qu'on n'a pas dit. Mercedes, il était 8 fois. Ouais. McLaren, ouais. Il en restait 4. Ah, j'aurais dû. Après, on avait les moins connus comme Brabham, Cooper. On avait Lotus qui était 7 fois. Non, c'est pas, Williams qui était 9 fois. Ça, dont la réponse à 3 points. Non, c'est des rasoirs. Ils font des poires et des rasoirs. Il faut les deux. On avait sinon Tyrrell et Van Wall. Voilà. Van Wall qui est le premier en 1958 à avoir obtenu ce titre. Mais sinon, oui, on avait Mercedes entre 2014 et 2021, c'est eux. Ok. À la fin de la première liste, 14 pour Basile, 14 pour Basile, 11 pour Guillaume, 8 pour Dorine, 5 pour Nicolas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Deuxième liste. Je vous demande de me citer une marque vendue en drive au rayon bière et cidre de l'Intermarché de Somain, dans le Nord. Sauf la Heineken. Une marque vendue en drive au rayon bière et cidre de l'Intermarché de Somain, dans le Nord, sauf la Heineken. C'est toujours Basile qui commence. Bière et cidre, t'as dit? Oui, bière et cidre. La Leff. La Leff, c'est une bonne réponse. Oh putain, je trouvais pas. C'est très très chaud. Dorine. Garden. Ou Garden. Jardin de pute. Bonne réponse. Guillaume. Affligem. Affligem, c'est une bonne réponse. Nicolas. Grimbergen. Oh, j'en ai plus. Grimbergen, c'est une bonne réponse. Basile. Chimay. Chimay, c'est une bonne réponse. Ah, Dorine. Oui, la 16. La 16, oui, précise ta réponse, Théo. 16 combien? 16,64. 16,64, merci. Bonne réponse. Guillaume. La Cronenbourg. On a un fin connaisseur ici. Bonne réponse. Nico. Duvel. Oh putain, j'allais dire ça. Joli. Bah, joli, attendez que je dise. Duvel, c'est une bonne réponse. Joli. Carlsberg. Carlsberg, c'est une bonne réponse. Ouh. Dorine. Belfort. Belfort, c'est une bonne réponse. Guillaume. Delirium Tremens. Delirium. Oui. Oui, non, Delirium. Il rajoute le nom latin. C'est pas Delirium Tremens. Oui, bah Delirium, c'est une bonne réponse. Ah, ok, cool. Voilà. Et pas de chichi entre nous. Hein. Nicolas. La Chouffe. La Chouffe, c'est une bonne réponse. Basile. La Reims Cochon. La Reims Cochon, c'est une bonne réponse et c'est la réponse à 3 points. Allez, oh, bravo Basile. Dorine. La mort subite. La mort subite, c'est une mauvaise réponse. Tu sors de cette liste. Non. Guillaume. La Desperado. C'est pas de la bière, franchement, c'est dégueu. Moi, je considérais comme bière. Hein. La Desperado, c'est une bonne réponse. Ouh. Nicolas. La Corona. La Corona. Un peu loin, là. Bonne réponse. Ah ouais, ok. t'es un peu loin géographiquement, tu vois, genre. C'est... la triple carmélite. Basile, la triple carmélite, c'est une bonne réponse. Guillaume. Loïc Raison. Loïc Raison, c'est oui. Une bonne réponse. Oh, merci le cidre. Ah, Nicolas. Voilà, San Miguel. San Miguel, c'est une mauvaise réponse. Aïe, tu sors de cette liste. Ah, j'ai envie de tenter un truc, mais du coup. Basile. Reflet de France. Ah, joli. Non, c'est une marque Carrefour. C'est marque Carrefour. Mauvaise réponse, tu sors de cette liste. C'est une marque Carrefour. C'est on est sur un Intermarché Drive. Ouais. Et ben il y a pas de Carrefour. C'est la marque distributeur. Oui, je savais pas. Guillaume, t'es le dernier dans la liste, t'as le droit à 3 réponses. Tant que tu réponds bien, tu marques un point. C'était quand je peux savoir c'est quand dans ta liste ou pas? Il y a une semaine, je l'ai fait à peu près. Jade. Quoi? Du coup, ça change tellement chaud. Bonne réponse. Ça change quoi? Parce que c'est une marque pas si vieille que ça, je crois. Du coup, dans le doute. Après, j'écris vraiment mes émissions 3 ans à l'avance. Hein, donc, je sais pas, je me dis, t'es tellement préparé que. Non, c'est jamais dans l'Intermarché. Il gagne du temps, il gagne du temps. En 97. C'est vrai que je gagne du temps. Et du coup. Il te reste 10 secondes. 10 secondes. Attends. 1. Ah, je suis dégueu. 2. Non, attends, s'il te plaît. 3 secondes. Panache. C'est pas de la bière. C'est pas de la bière. Non, c'est pas une marque. C'est un type de boisson, mais c'est pas une marque. Ah, c'est Carl Bro qui fait panaché. Ah, j'ai dit panache. Moi, ouais, c'est genre, je crois que c'était une marque. Non. Ok. On avait le 8-6. Ah, oh, mais oui. On avait l'Amsterdam qui valait 2 points. Oh là là. On avait les Trois Monts. On avait les plus connus. La Gouda. Ah, j'ai pas osé. La Brooklyn. La cuvée des trolls. La Ch'ti. La cuvée des trolls. La Brewdog. La Bête. T'avais la Bête ou pas? Il y avait la Bête. Il y avait la Galia. Il y avait la Couac qui valait 0. La Cric. La Jeanlin. La Jeanlin, elle y était aussi. Ah oui. Oh, la Pédieu. Alors la Cric n'y était pas, parce que je crois que Cric ça fait partie d'une. C'est une longue. Ouais, je crois que c'est pas une marque en non, soi. Non, c'est pas une marque. C'est Mort Subite qui fait une Cric. Je peux en parler de la Mort Subite. On avait la Levrette, on avait la Ninkasi. Ah, mais oui, la Quéquette. La Vongue là-bas. Oui, la Saint-Omer, la Skol, la Tourtelle. La Tourtelle Twist, c'est pas une bière. Bah, si, c'est une bière sans alcool. Le Val de Rance pour le cidre ou encore la Vambréchy. Voilà. Ça fait donc à la fin de la deuxième liste 21 points pour Basile, 17 pour Guillaume, 11 pour Dorine, 9 pour Nicolas. Aïe. Il reste combien de listes là même, hein. Il reste une liste. Une liste. Moi je crois que j'ai jamais passé cette étape. Troisième liste. Je vous demande de me citer un pays dont le drapeau n'est pas composé de blanc. Putain. Sauf la Belgique. Il ne doit pas être composé de blanc, sauf la Belgique. C'est toujours Basile qui commence. La Suède. La Suède, c'est une bonne réponse. L'Espagne. L'Espagne, c'est une mauvaise réponse. Et oui, t'as le blason qui a du blanc dedans. Ah, c'est fini pour moi. Je pensais que ça marchait pas. Non, reste concentré, Dorine, parce que si jamais Nicolas te rattrape mais ne te dépasse pas, c'est un time break sur cette liste et les réponses déjà dites ne peuvent pas être dites. Donc reste concentré sur ce qui. Et puis crois-moi, t'as tes chances. Guillaume. Mais non, mais c'est Wikipédia, le mec, il connaît tous ses drapeaux. C'est vrai ? La Chine. La Chine, c'est une bonne réponse. Nicolas. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est une bonne réponse, tu reviens à un point de Dorine. Basile. Le Mali. Le Mali, c'est une bonne réponse. Guillaume. La Roumanie. Putain. La Roumanie, c'est une bonne réponse. Nicolas, pour revenir à hauteur de Dorine. Beaucoup de regrets, j'ai l'impression, chez Dorine. Hein, le petit connard, il a mis les blasons dedans. En plus, j'ai vraiment zoomé sur les blasons pour voir s'il y avait vraiment. C'était du blanc ou du gris, tu vois. Ukraine, c'est une bonne réponse. Oh, oui, mais oui. Oh non, j'allais dire une grosse connerie. Non. Basile. La Jamaïque. La Jamaïque, c'est une bonne réponse. C'est la réponse à 3 points. Oh, arrêtez-le. Arrêtez-le. Jackpot. Guillaume. Le Maroc. Ah, fort ça. Le Maroc, c'est une bonne réponse. Guillaume. Guillaume, bravo. Nicolas, si tu marques un point, tu te passes. Sinon, il y aura un tie-break entre Dorine et toi sur cette même liste. Brésil. Brésil, c'est une mauvaise réponse. Attention, oui, il y a les petites étoiles. Et le texte. Donc attention, j'ai rien. Nicolas, Dorine, suivez bien. Parce que là, s'ils veulent, Basile et Guillaume continuent à balancer des réponses autant qu'ils veulent. Donc, suivez bien ce qui se dit parce que les réponses déjà dites ne pourraient pas être dites. Je galère de ouf, là. Basile. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une mauvaise réponse, tu sors de cette liste. Je sais même plus comment il est le. Et il y a toutes les couleurs du monde dessus, donc il y a forcément un peu de blanc. Le Guillaume, tu es le dernier dans la liste, tu as le droit à 3 réponses, tant que tu réponds bien, tu marques un point, je t'en prie. Kazakhstan, c'est une bonne réponse. Tadjikistan, c'est une mauvaise réponse. Ah, oh, shit, il y a du blanc dedans. Eh oui. On a donc 26 points pour Basile, 20 points pour Guillaume. Bravo à vous deux, vous êtes qualifiés pour le milieu. Dorine, Nicolas, c'est une mort subite. S'il y en a un qui répond bien, l'autre qui répond mal. Mort subite, c'est la bière qui n'a pas à Intermarché. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et qui empêche à Dorine d'être qualifiée. Et c'est un point pour Basile pour la bière. Dorine, tu commences. Les réponses déjà dites dans cette liste ne peuvent pas être dites. Je répète, donc un pays dont le drapeau n'est pas composé de blanc, sauf la Belgique. Dorine. Et il n'y a plus de réponse à 0 points et à 2 points. Là, c'est si là, par une exemple, réponse à 1 point. Enfin, si elle trouve rien, j'ai gagné sans dire de réponse. Ah non, si elle trouve rien, il faut que tu trouves derrière. Oh putain. La Palestine. La Palestine. Non, c'est une mauvaise réponse. Il y a du blanc. Nicolas, si tu réponds bien, tu gagnes. Si tu réponds mal, on repart pour un tour. Mais j'ai toujours rien. Bah, dis un pays comme ça que tu fais. Ah, allez, je crois, mais pas sûr. Pays de Galles. Pays de Galles, c'est une mauvaise réponse. Oh merde. On repart pour un tour. Avec Dorine. Mexique. Pardon ? Non, j'ai rien dit. Là, j'ai pas entendu. Si, elle a dit. Elle a dit quoi ? J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai rien dit. Elle a dit la France. Non, mais j'ai vraiment pas entendu. C'est en vrai, chaud, n'empêche. Non, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai. Ouais, c'est faux ma réponse. C'est bon, c'est pour trop tard, c'est faux. C'est quoi ? Le Mexique. Le Mexique, c'est une mauvaise réponse. Je l'ai dit en l'autre. Nicolas. Angola. J'en ai un, putain. Angola, c'est une bonne réponse. Oh, Nicolas, c'est qualifié. C'est quoi que tu avais, Dorine ? Le Liban. Hein ? Le Liban, il y a pas de. Ah, bah non, le Liban, en milieu, c'est blanc. Pas de regret. Le Sénégal, oui, c'était bon ou pas? Alors, juste pour info, vous savez, au début, je parlais d'une lune de miel qui a passé Nicolas récemment. Oui, t'as dit au Nord-Pas-de-Calais. Il était en Tanzanie. La Tanzanie, il n'y a pas de blanc. T'as dû en voir des drapeaux de Tanzanie quand même. Il n'y a pas de blanc du Sud, non. Hein, et... Je savais qu'il n'y avait pas de rouge. Oui, mais attends, mais... Le guide, il m'a expliqué qu'il n'y a pas de rouge parce qu'ils ont eu leur indépendance sans guerre. Mais il m'a pas expliqué pour le blanc. Parce qu'ils ont fait une deuxième question et c'était quel pays n'a pas de rouge dans le drapeau? On n'a pas de violet parce qu'on n'aime pas trop cette couleur. Mais c'est vrai. Là, il n'y a pas de blanc. La cartouche d'encre du palais des présidentiels n'avait plus de. Bourrage papier. On avait du cyan. Donc on avait. On a un drapeau en noir et blanc avec le cyan. C'est moche, mais bon. Il y avait l'Albanie, l'Arménie, les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade, le Bénin, la Bolivie, le Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Congo, Érythrée, Éthiopie, Gabon, oui, Ghana, Cameroun. Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Kirghizistan, Kirghizistan, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine du Nord, Malawi, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Palaos, République démocratique du Congo, le Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines qu'on embrasse, Sao Tomé les principes, on kiffe. Sénégal, ouais, putain, c'est ça. Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Vanuatu, Vietnam ou encore Zambie. Putain, mais oui, Zambie. Vietnam. Oh, les et le Vietnam, ma vie. Vous êtes allé en vacances en plus. Le Japon. Non. En vrai, le Japon, c'est qu'un cercle rouge. Ouais, c'est ça. Qui voit le blanc autour? Vous n'utilisez que 10% de votre cerveau. Ça fait donc à la fin de la première partie 26 pour Basile, 20 pour Guillaume. 11 pour Nicolas, 11 pour Dorine, mais Nicolas passe à la mort subite. Dorine, tu es donc éliminé. On peut applaudir Dorine. Bravo, bravo. Est-ce que tu as un dernier mot, Dorine? Non. Mort subite, oui, peut-être. Oui, c'était son dernier mot. Elle va passer à la Hogarden. Les comptes sont remis à zéro et on passe au milieu. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc et dont le thème commence tout par en. EN, un lieu ça peut être en Argentine, un moment en 1960 et un autre truc en argentique. Div. Oui, en argentique, bravo. Un point, allez. Et non, puisque pour marquer un point, il faut répondre bien à une des cinq questions que je vais vous poser. Et je vous rappelle que vous pouvez savoir ce qui se cache derrière chaque thème et choisir de le prendre ou pas. Basile, tu es celui qui a marqué le plus de points dans les trois premières manches. Tu choisis donc en premier entre un lieu, un moment et un autre truc. Un autre truc, vas-y. On rigole. Attends, là j'ai actuellement 26 points ou ça... ça non, c'est revenu à zéro. Ah, non, je vais pas. Mais c'est pour ça que tu choisis en premier. Mais t'aurais dû lui dire oui. Un autre truc. Ah, il le fait. Incroyable. Un autre truc, c'est... Il a le droit de le lâcher de toute façon. En étant un dinosaure de fiction. Est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le laisses? Si tu le laisses, tu peux pas revenir dessus. Je le prends. Il le rigole ou quoi? Allez, bah, quel est le prénom du dernier dinosaure d'après la série animée diffusée en 1988? Denver. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. C'est-à-dire, j'avais compris cette phrase. Eh ben, il l'encule. Oui. C'est un enculosaurus. Basile, oui. Quel dinosaure a fait sa première apparition dans le jeu vidéo Super Mario World, sorti en 1990? Yoshi. Pardon? Yoshi. Yoshi, bonne réponse. Quel est le nom du dinosaure, Basile, qui fait partie des jouets d'Andy dans Toy Story? le nom du dinosaure qui fait Rex. Rex, c'est une excellente réponse. Une excellente réponse. Non, ça... Une excellente réponse. Rex, tout simplement. Dans quelle série de films trouve-t-on le personnage de Grimlock, chef des Dinobots, un groupe d'Autobots qui se transforme en dinosaure? Ah. Dans quelle série de films trouve-t-on le personnage de Grimlock, chef des Dinobots, un groupe d'Autobots qui se transforme en dinosaure? On dirait un AVC en fait. J'ai l'impression de lui poser la question en croate. Moi je l'ai. Je l'ai aussi en vrai. Ça doit être Grésan à tout. Non, pas du tout. Tu l'as aussi, Nico? Ouais. Les Dinobots. Dites-lui que c'est une merde. Non, franchement, c'est bien qu'ils connaissent pas ça parce que c'est vraiment. Ah ouais, j'avoue. Ça, c'est non, on arrête de donner. Oh, c'est Dinotopia, je sais pas. Non. C'est quoi? C'est Transformers. Transformers. Ah ouais, d'accord. Ouais, je suis bien content. Tu sais, la scène avec Megan Fox, tout ça, non? Non, j'ai jamais. Okay. Non, Megan Fox, non. Elle a des pouces très moches. Vous saurez, c'est du trivia. C'est vrai. Voilà, j'ai vu ça sur Twitter, moi je m'en fous des pouces. J'avais vu ce même. Et Brian Cranston a fait l'épisode de The Office. Voilà, c'est deux choses à savoir. Il y a deux trucs que je sais, moi voilà, je les ai sentis. Et aussi, est-ce que tu sauras comment s'appelle le dinosaure vert qui est le cousin de Casimir, le dinosaure orange? Comment s'appelle le dinosaure vert qui est le cousin de Casimir? Kizama. Vladimir. Non. Non. Quelqu'un l'avait? Pas du tout. Hippolyte. C'est pas ma génération. Non, mais c'est nul. Il y en a un qui s'appelle Casimir, l'autre s'appelle John, quoi. C'est vraiment genre, c'est pareil. Hein bah, parce qu'il a un vrai prénom, alors que Hippolyte, Casimir. Hippolyte, il s'appelle. Bah, Hippolyte, c'est un vrai prénom. Mais Casimir aussi. Bah oui. Ouais. Autant qu'Hippolyte. Hein. Casimir Perrier, il y a une très peu de ça. Ah oui. Très peu de gens s'appellent Casimir, et ces gens-là sont malheureux. Mais c'est un vrai prénom. Ah, ok, d'accord, ouais. Casimir Macron. Casimir Macron. Casimir Delpech. Casimir Damanet. Casimir Ali. Casimir Bigali. What the devil, gars? Wow. Ça fait donc 3 points pour Basile, bravo. Il n'y avait même pas d'anonymo dans tes questions là. Pardon? D'anonymo. Ah bah oui, oui, j'ai pas entendu d'anonymo. Bah oui. Moi, je m'attendais à Gon. Gon dans Tekken. Ah oui, Gon. Bah oui. Mais et, je sais pas, faites tout votre podcast, laissez-moi tranquille, au pire. Et bah, question pour toi, Antoine, pour 3 points. Oui. Quel était le nom du dinosaure dans le dernier film de Pixar où il y avait des dinosaures? Je l'ai. Ah, je l'avais. Danonino. Ça, c'est pas clair comme question. Je ne sais pas. C'est Arlo. Arlo, exact. 3 points pour Basile. Okay. Tu vas être 3 points pour moi? Je non, parce que pour moi, c'est moi qui fais les règles, ok? Dans quel film? Arlo. Arlo. franchement, il y avait 5 points à prendre, j'en ai gagné 6, je suis trop content. Ah, mais je connais. Ça fait blindri. Arlo. Putain, il a fait 3 rires comme ça. Ok. Ouais, ah oui. Ah, les blocs de téléphone, ça me fait trop. Guillaume, tu es le deuxième à avoir marqué le plus de points dans les deux premières manches. Tu choisis entre un lieu et un moment. Un moment. Un moment, c'est en ayant le mal de mer. Soit tu le prends, soit tu le laisses. Mais si tu le laisses, t'es obligé de prendre le lieu. Et tu sais pas ce que c'est. Ah, je vois cornélien. Vas-y, je prends le mal de mer. Le mal de mer. Quelle sensation de mal-être accompagnée de vomissements apparaît lorsqu'une personne a le mal de mer? La nausée. Bonne la réponse. Diarrhée. Ça rime. Quel type de bateau servant à naviguer se dit nos en grec, qui est à l'origine du mot nausée? Un type de bateau qui sert à naviguer en mer qui se dit nos en grec. C'était plus facile les questions sur les dinosaures. Qui est à l'origine du mot nausée? Ah, les questions de ouf quoi. Nos. Voilier? Non. Un navire. Ah, pardon. Non, c'est la réponse. Ouais. C'est navire, la réponse. Un navire, bah ouais. Okay. Un navire. C'est un navire. Type de bateau, un navire. Oui, qui va en mer. Oui. Ok. Un bateau, c'est sur les rivières. Ouais. Un navire, c'est sur la mer. Ok. Ouais. Merci de leur faire fermer ça, leur c'est gueule. Vraiment une connaissance de riche, par contre. Hein. Bateau sur l'eau, la rivière, la rivière. Ah. Pas la mer, parce qu'en termes de pied... Et pas navire sur l'eau, là. Dans le nom de quel personnage mythologique? Alors, déjà, c'est intéressant de savoir que le mot nausée, parce que c'est ça que je voulais vous faire apprendre, vient du terme navire. Eh oui. Avoir une nausée, c'est forcément quand on est sur un navire. Eh voilà. Oui, incroyable. T'as pas la nausée à Paris, quoi. Voilà. Bah si, parce que bah, si, le blason... Tu vomis, quoi, finalement. Bah tu vomis, t'as pas la nausée. T'as pas la nausée, voilà. Tu vomis. Dans le nom de quel personnage mythologique grec qui sauve Ulysse d'un naufrage, trouve-t-on ce terme de nos? N-A-U-S. Dans le nom de quel personnage mythologique grec qui sauve Ulysse d'un naufrage, trouve-t-on ce nom de Nos? Mykonos. Quelqu'un l'avait ou pas? Non. Non. Nausicaa. Ah! Ah, ok. Dans le... Je cherchais dans l'autre sens, mais ok. Quel lord faussement appelé amiral en français alors qu'il n'était que vice-amiral s'est illustré lors de la bataille de Trafalgar alors qu'il avait le mal de mer ? Nelson ? Amiral Nelson, c'est une bonne réponse. Il avait le mal de mer toute sa vie, Horatio Nelson. Et pourtant, c'était un des amiraux les plus connus. Commentateur. Voilà, il commentait juste Roland Garros. J'ai la gerbe actuellement, mais on se retrouve. Il a été emprisonné à un moment en Afrique du Sud. Très très bon, hein. Très très bon. Je tiens bien, Nelson. Oui, Patrick, oui. Vous êtes bon, Nelson. Ah, mais on est très bon, Nelson. On a pratiqué. Tu sais, à Saint-Claude, on se fait chier. Et j'aimerais remercier le Luigi. Vous l'avez pas ça? Jésus. Il a dit Jésus, Nelson. Pardon. Ah ouais. C'est Michael. Je l'ai pas du tout. Il faut à Roland Garros. Il y a longtemps, Michael Chang, il a gagné Roland Garros. Et il parle en anglais. Et il dit I'd like to thank Lord Jesus. Voilà. Nelson, il commente. Il dit, et j'aimerais remercier Luigi. Wouhou! Et ils l'ont corrigé à la télé, genre non, il a dit... l'autre qui dit non, Nelson, il a dit Jésus. Luigi. Ah, ça serait tellement plus drôle dans les églises. Maintenant on dit Sweet Luigi. Guillaume, quelle racine originaire d'Asie est-il conseillé de consommer contre le mal de mer? Le gingembre, c'est une excellente réponse. Vous l'avez déjà consommé pour... Je le comprends. Pas pour baiser, hein, pour le mal de mer. On le consomme. J'ai pas le mal de mer, donc. Jamais eu le mal de mer. La pire réponse. J'ai jamais quitté le continent, mais j'en mange tous les jours. Ça fait 3 points pour Guillaume qui s'en sort bien. Bravo, Guillaume. Alors, c'est pour ça que la table elle est bancale du côté de Guillaume. Exceptionnellement. Ouais, j'ai acheté je sais pas combien de racines et ça prend une place folle tout là. C'est vrai qu'exceptionnellement j'ai pas fait de la plus simple à la plus dure. Je voulais que les 3 premières se suivent pour expliquer que nausée ça vient de navire, qui vient de Nausicaa. Mais en fait les 2 dernières étaient plutôt plus cool. Bah oui, ouais. Nelson. Nicolas, il te reste un lieu. Bah je vais prendre le lieu. Bah t'as pas le choix, c'est en Corrèze. Le lieu noir. T'es déjà allé en Corrèze? Jamais. Eh bah écoute. Putain, je sais même pas où c'est. Tu vas peut-être pouvoir me dire quel sport François pratique. Hollande. Quel sport pratique le CFC. J'ai pas de réponse. Oui. Je suis sûr qu'il y en a une comme ça en plus. Quel sport pratique le CA Brive Corrèze Limousin et qui voilà, a remporté. Il a donné la réponse. Qui a remporté une Coupe d'Europe en 97 alors qu'il n'a jamais remporté de championnat de France? Rugby. Bonne réponse. D'où le département de la Corrèze tient-il son nom? C'est une rivière. C'est une rivière, bah, comme la majorité des départements français. Ah, joli, joli. Quel groupe est composé des frères Tariq et Nabil Andrieux qui ont passé leur adolescence en Corrèze? Putain. Ah, mais ça doit être... Je sais. 3 cafés gourmands? Eh non. C'est PNL. C'est PNL. Mais on les confond souvent. C'est pas en Corrèze qu'on fait quoi? C'est aussi, aussi. Ah, c'est aussi la Corrèze. Les PNL, bon, bah, ils ont grandi en région parisienne, ils sont partis dans leur adolescence en Corrèze, et ensuite ils sont retournés en région parisienne. Okay. Ah, d'où le vocodeur. Hein. Quelle était la langue officielle de la Corrèze jusqu'au XVIe siècle, Nicolas? La langue officielle de la Corrèze jusqu'au XVIe siècle. C'était quoi la langue de Toulouse, là, déjà? La langue de Toulouse, là. Dans le métro, Jan Jaurès. Exactement. Jan Jaurès. Ah, je l'aurais pas, je me rappelle plus, putain. Ah putain, c'est dur, parce que là t'as tout là. Ouais. Ça va me saouler quand tu vas me le dire, mais je l'ai plus. Bah, je vais laisser Dorine le dire. Et l'Occitan. L'Occitan. Le langue d'Occitan. Jan Jaurès. On a tous ce truc et souvenir à Toulouse. Ah, ouais. En plus, t'as étudié à Toulouse, toi. Mais oui. Putain. L'Occitan. C'est l'Occitan qui parle là. Non, mais la langue d'Oc et l'Occitan, c'est pas la même chose. C'est pareil. C'est en fait la langue d'Oc, c'est toute la langue qu'il y avait dans le sud. La langue d'Oil, c'était le nord. Et l'Occitan, c'est le dérivé qu'il y avait à plusieurs endroits. Bah, en plus, ça parle Occitan. À Perpignan. Genre Perpignan, t'as bien les pas. Catalan. Oui. Ah, oui, c'était catalan. Tu bosses pas, quoi. T'es un fada, toi. Et enfin, Nicolas, quelle ville est la préfecture de la Corrèze? Brive. Non. Les autres? C'est Tulle. C'est Tulle. Putain. Comment tu sais ça? Bah parce que c'était... François Hollande. Eh oui, c'est vrai, j'aurais dû un peu réfléchir. 2 points, mais c'est pas grave, on demande pas ça ici. 2 points pour Nicolas. 2 points sur la Corrèze, c'est pas mal. 3 pour Guillaume, 3 pour Basile. Ah, l'Occitan, j'ai les boules. Il est temps de passer à la presque fin. La La presque fin, alors qu'il y a donc 3 pour Basile, 3 pour Guillaume, 2 pour Nicolas. La presque fin, c'est 3 catégories homophones, 5 questions chacun, 1 point par bonne réponse. Les thèmes, c'est Mont Blanc, Mont Blanc et Mont Blanc. Ah, ma phobie, quoi, putain. Oh, j'espère qu'il y a la crème dessert. J'aime bien le qui balance absolument toutes les, ouais, toutes les informations à savoir. Mais là, on sait pas ce que c'est ça? Eh non, Basile, tu choisis en premier entre Mont Blanc 1, Mont Blanc 2 ou Mont Blanc 3. Mont Blanc 2. Mont Blanc 2. Quel type de dessert est produit par l'entreprise Mont Blanc, créée à Rumilly en 1917? Des crèmes dessert. Une crème dessert. Et voilà, François Hollande, voilà. Que signifient les initiales UTMB? Compétition créée en 2003, pardon. Ultra Trail du Mont Blanc. Ultra Trail du Mont Blanc, bravo. Quelle est la nationalité de Kylian Jornet, quadruple vainqueur de l'UTMB? Il est espagnol. Espagnol, bravo Basile. Cite un des deux desserts artisanaux qui s'appelle Mont Blanc. Il y a deux desserts artisanaux qui s'appellent Mont Blanc. Cite-moi un des deux, ce que ça représente. Ah, artisanaux, c'est pas la crème dessert. Bah non, artisanaux. Ah, c'est une glace? Non. Non. Ok, une coupe glacée, quoi? Non. Non. Ok. Il y avait... Quelqu'un l'avait ou pas, les mots? Ouais, c'est une espèce de truc à la crème de marron, ça, un dessert. C'est le premier, ça. Ah ouais, et la deuxième, c'est la crème dessert, non? Non, c'est le deuxième, c'est à la noix de coco. C'est un gâteau à la noix de coco qui vient, en fait, des Antilles. Ah, ok. Et qui, ils ont appelé ça le Mont Blanc, alors que le gâteau à la crème de marron est vraiment des Alpes, lui. Et... Ok. Et enfin, où se trouve le Mont Blanc, qui culmine à 3617 mètres de hauteur et qui fait 25 km de diamètre? Non, c'est quoi? T'attends quoi comme réponse? Où se trouve le Mont Blanc? Non, mais t'attends une ville, t'attends... Où se trouve le Mont Blanc, qui culmine à 3617 mètres de hauteur et qui fait 25 km non, de diamètre? Non, mais je vais te dire, là... Bah, Chamonix? Non. Bah, non, mais dans les Alpes, quoi, enfin... 3617 mètres de hauteur, c'est pas celui non, qui a... Non, mais attends, non, attends, oui, fait... désolé, tu peux répéter la question? Non, ouais, mais c'est trop tard, mais je peux répéter si tu le vrai, il fait 4300. Ah, j'ai pas écouté... Où se trouve le Mont Blanc, qui culmine à 3617 mètres d'altitude et qui fait 25 km de diamètre? Ah oui, j'ai il doit être sur une île, non? Think outside of the box. Outside of the earth. Ah, Mars. Sur non. La lune. La lune, sur la lune. Ah, ok. Il y a une montagne qui a été nommée Mont Blanc, en hommage au Mont Blanc. Qui est bon, vachement inspiré, les je mecs. Je l'aurais jamais trouvé. Donc ça va. Donc 3 points pour Basile, 6 points en tout. Bravo, Basile. Guillaume, Mont Blanc 1 ou Mont Blanc 3? Aïe, aïe, aïe, Mont Blanc 3. Mont Blanc 3. T'es sûr? Quel objet est la spécialité de l'entreprise allemande Mont Blanc? Le stylo. Le stylo. Mais j'ai fait aussi, j'ai mimé. Non, mais je le savais. Oui, bah, tu peut-être pas. Dans quelle région se trouve la commune de Mont Blanc, qui est située dans le département de l'Hérault? Dans quelle région se trouve la commune de Mont Blanc, située dans le département de l'Hérault? Le Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, la région. Non. Mais non. Non. Bah, non. Ah merde, non, mais non. Ah, bah non, bah non. Non. Bah, non. Oh, mais non, ça a changé les régions. Ah oui. Mais c'est pour ça c'est que la tienne en plus, donc vraiment j'ai aucune pitié. Ah bah vas-y, c'est bon, c'était pis. Quoi? C'était la. Oui, oui, il n'y arrive pas, c'est l'Occitanie. L'Occitanie, mais non, mais putain, je suis trop L'Occitanie. Nul. Je suis resté sur les vieilles, quoi. Qu'était le SS Mont Blanc qui bien. A existé entre 1899 et 1917? Qu'était le SS Mont Blanc qui a existé entre 1899 et 1917? Certainement bataillon ou quelque chose lié à l'armée. D'accord, le gars. Il... Alors, on va non, mais... de loin. Est-ce que c'est un animal? Non, non, non. C'était genre une... c'était un régiment. Non, non. Non. Ok. Quelqu'un avait un SS? Non, ah, SS, un navire. C'est un navire, le SS. Ah, mais, ah. Super, mais oui, ok. C'est un bateau, un cargo français de la compagnie générale transatlantique. Ok. Entre quelles planètes du système solaire se trouve la ceinture principale d'astéroïdes, dont fait partie l'astéroïde 10958, nommé Mont Blanc? Entre quelles planètes? Entre quelles planètes se trouve la ceinture principale d'astéroïdes, dont fait partie l'astéroïde 10958, qui est nommé Mont Blanc? Entre Mars et Saturne? Non. Mars et Jupiter. Mars et Jupiter. Ah, je suis deg, je suis deg, je suis deg. Il te reste une question. Techniquement, t'aurais pu dire les deux plus éloignés. C'est entre Vénus et Pluton, non? Ah, en vrai, ça marche, non? Ah, ouais. Non. Et enfin, de quelle saga de jeux vidéo fantastique le jeu Tactic Advance sorti en 2003 fait-il partie? Jeu où l'on trouve le personnage de Mont Blanc, qui est un mog qui montre le monde d'Ivalis à March. Final Fantasy. Bonne réponse. Waouh. Alors moi je connais pas du tout Final Fantasy, je suis curieux. Quel mot t'as fait trouver que c'était Final Fantasy? Mog. Mog, ok. Mais c'est sûr. Pour moi c'était une tasse. Non, donc, même Mont Blanc en fait, c'est Final Fantasy 9, c'est celui que tu parles. Et un Mog c'est un espèce de petit personnage blanc avec une espèce de boule rouge avec une antenne. Voilà. D'accord, c'est ça. Ouais. Ah j'avais déjà vu. Voilà. 6 points pour Basile, 5 points pour Guillaume. Ouh. Nicolas, il te faut un 4 sur 5. Aïe, aïe. Sur Mont Blanc. Nicolas, de quelle chaîne de montagne le Mont Blanc est-il le point culminant ? Les Alpes. Bonne réponse. C'est vraiment le genre de question. C'est la première. Oh. T'inquiète, d'habitude je fais 0 sur 5 sur celui-là. Depuis que t'es tombé sur Carole Bouquet, ça t'a fait du mal. Il avait Bouquet. Je m'en suis jamais remis. C'est Nicolas qui est tombé sur le Carole Bouquet. Ah. On a déjà entendu parler de Carole Bouquet. Sur quelle commune? T'en parles en plus. L'incident Bouquet, comme on l'appelle. Je passe l'extrait sur mon téléphone. C'est ta sonnerie. Sur quelle commune du département de Haute-Savoie se trouve le Mont Blanc, nom qui a été ajouté à celui de cette commune en 1921? Je vais te faire confiance. Parce que j'en ai pas la moindre idée. Chamonix, c'est pas la réponse. Ah non ! Lors de quel siècle la première ascension du Mont Blanc a-t-elle eu lieu ? XIXe ? C'est une mauvaise réponse. XVIIIe. 1786. Ah, pas si loin. À 100 mètres près, quelle est l'altitude du Mont Blanc, Nicolas ? 4300. Oh, putain, Guillaume l'a dit. 4004. Ouais, c'est plus. C'est 4805. Ah. Ouais. J'en ai pas non plus. Et enfin, quel exploit a réalisé Henri Giraud le 23 juin 1960 au sommet du Mont Blanc ? Je sens que Dorine avait toutes les réponses. Non. T'as dit quoi ? Il a fait l'hélico. Il a fait l'hélico vite, vraiment. C'est vraiment ce que je voulais dire. Waouh. C'est pour ça que j'ai hoché la tête. C'est pour ça que t'as hoché la tête sérieusement et que t'es là, ah, putain, j'aurais dû l'avoir celle-là. Quel exploit a réalisé Henri Giraud le 23 juin 1968 ? Giraud, il s'appelait Giraud. Il a fait un énorme kebab là-haut. Giraud. Un Giraud. Waouh, il est allé. Je m'attendais pas du tout à ça. Le geste. J'ai fait un geste de kebab. Mais non, mais attends, moi je pensais à Giraud. Moi, Giraud Phare. Ah, moi je pensais à un Giraud. Il gagne du temps. Moi je pense au Tour d'Italie, moi. De toute façon, j'ai déjà deux mois. Pourquoi Giraud ? Henri Giraud, le Tour d'Italie, moi je pensais. Ah oui, oui, oui. Bon, du coup, c'est quoi la réponse qui s'est passée ? Je sais pas. Moi, qu'est-ce qu'il a pu faire en haut du Mont Blanc ? Je sais pas. Allez, dîner tous. Des pompes. Lequel arrive ? Regardez ! Je suis une. Hein. Et là tout le monde se dit, mais c'est vrai que personne l'avait fait avant. C'est le premier à l'avoir fait. Non, il s'y est posé en avion sur une piste de 30 mètres de long. Putain. C'est un débile. Hein. Paix à son âme. Il en est sorti vivant, mais il s'est... mais il est mort maintenant. Il est mort de vieillesse 45 ans après. Mais quand même, il s'est posé en avion en haut du Mont Blanc sur une piste de 30 mètres de long le 23 juin 1960. Ça fait donc 2 points pour Nicolas, 4 points en tout, quand Guillaume en a 5 et Basile en a 6. Nicolas, tu sors de tes émissions. Est-ce que tu as un dernier mot ? Non, bon courage pour la finale. C'est pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un bon niveau. Non, c'est trop de mots là, il y a tellement trop. On remet les comptes à zéro et on passe à la fin. La fin, c'est 10 questions qui vont de 0 à 9 et qui ont un rapport avec le chiffre qui la concerne. Sur la question, sur la réponse. J'arrive pas à imiter Michel Delpech, du coup. Non, c'est Ben Ali, ça. Soit la question, soit la réponse avec un rapport avec le chiffre. Une bonne réponse, un point. Le premier à 3 points a gagné. J'ai rien compris, je suis dégoûté. Les énigmes de l'été, c'est pas mon problème. Les énigmes de l'été adulte. Livre. T'es qui au sol, là, vraiment. La dernière fois qu'on s'est affronté en finale, il y avait un pull Lidl à gagner. Donc. Mais là, je suis désolé, j'ai rien de mieux à vous proposer. Je peux vous filer un frigo, si vous voulez, il est là. Une question dont le numéro a été choisi par Dorine, la première éliminée, peut valoir double. Si vous tombez dessus, je vous expliquerai comment ça se passe. Mm-hmm. Cette finale peut se jouer à la rapidité, ou alors chacun son tour. Si elle se joue chacun son tour, vous avez le droit de récupérer une fois une question à votre adversaire s'il se trompe. Mais pour savoir si ça se joue à la rapidité ou chacun son tour, on va demander à la personne parmi vous deux qui a marqué le plus de points sur toute la désémission, c'est-à-dire Basile, 32 à 25. La rapidité. Si on fait de la rapidité ou chacun son tour. Rapidité. Pourquoi tu dis ça ? Je me suis rappelé la dernière fois, j'avais déjà dit ça. Rapidité. Ouais. Vous dites votre prénom, vous attendez, je vous donne la parole. Si vous vous trompez, vous attendez que l'autre réponde. Et une fois que l'autre a répondu, donc vous avez donné une réponse chacun, on remet tout à zéro et vous pouvez à nouveau répondre tous les deux. C'est la foire d'Antoine. C'est la foire d'Antoine. D'Antoine. Ok ? Ok. Un chiffre entre 0 et 9, Basile, s'il te plaît. Mais vous répondez tous les deux, mais c'est Basile qui choisit, comme il a marqué le plus de points. Le 5. Quelle joueuse de tennis française, née le 5 juillet 1979, a remporté l'Open d'Australie et Wimbledon en 2006 ? Guillaume. Guillaume. Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo, 1-0 pour Guillaume. Joli. J'avais un doute. Un chiffre entre 0 et 9, Guillaume, s'il te plaît. 7. Le 7. Quel coureur cycliste a remporté 7 maillots à pois sur le Tour de France entre 1994 et 2004? Basile. Basile. Richard Virenc. Richard Virenc, un partout. Oh, les fans de sport, les deux, là. Oh là là. Oh, le les, les gros sportix. les footix. Un chiffre entre 0 et 9, s'il te plaît. Basile. Le 2. C'est la question double. Ah, alors. Non. Je vais vous poser le début de la question. Quelle personnalité politique est la seule sous la 5ème République? J'arrête le début. Soit vous y allez. Si vous y allez, vous ne pouvez donner qu'une réponse. Bonne réponse, plus 2, vous gagnez. Mauvaise réponse, moins 1, vous retombez à 0. Puisqu'il y a un partout. Soit vous y allez pas. Alors, il y en a un qui peut y aller, pas l'autre. Hein. Mais si vous y allez pas, bah, je vous pose pas la question. Je pose la question qu'à l'autre s'il y va, et voilà. Et si aucun de vous deux n'y va, on passe à une autre question. Donc tu peux répéter le... Bien sûr, quelle personnalité politique est la seule sous la 5ème République? Guillaume. Ah, foi. Tu vas ou pas? Non, non, non, non, non, laisse-le. Là, il allait répondre. Laisse-le. Laisse-le. Je pose la suite de la question après. Hein. Ouais, vas-y. Tu vas, toi. J'y vais. Vas-y, tu fais quoi? J'y vais pas. Très bien. Donc, t'as le droit qu'il y ait une réponse. Si tu réponds bien, t'as gagné 3-1. Si tu réponds mal, Basile mène 1-0. Ouais, ouais. Quelle personnalité politique est la seule sous la 5ème République à avoir été Premier ministre sous deux présidents différents? Quelle personnalité politique est la seule sous la 5ème République à avoir été Premier ministre sous deux présidents différents? Cazeneuve. C'est une mauvaise réponse. Cazeneuve. Vous avez dit quoi les autres? C'est Chirac, non? Chirac. Ouais. Chirac, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous Mitterrand. Ah là là. Non, tu retournes 2 à 0 et ça fait 1-0 pour Basile. Ah, ouais, ouais. Soyez toujours lâche, ça que ça sert dans la vie. T'as dit quoi? Soyez toujours lâche. Ouais. Vas-y, tu choisis toujours entre 0 et 9. Je voulais tellement que ce soit François Hollande. Le 8. Le 8. C'est toujours une question de rapidité entre vous deux. Quelle planète est la 8ème la plus éloignée du Guillaume. Système? Guillaume, Basile. Uranus. Guillaume, Uranus. Mauvaise réponse. Ah. Basile. Vénus. Non. Vous pouvez à nouveau tous les deux répondre. Attends, quoi? Guillaume. Attends, il va répéter la question. Bah non, il a dit Guillaume, vas-y. Neptune. Neptune, bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Quelle planète est la 8ème la plus éloignée du système du Soleil dans le système Neptune. Ok. Ça fait donc un partout. Tellement tendu. Un chiffre entre 0 et 9. Guillaume, s'il te plaît. 9. 9. D'après l'expression, que vole une personne qui vole un bœuf? Un bœuf, Basile. Basile. Un bœuf. Un bœuf, bonne réponse. Bah oui. Quelle est l'expression bœuf? Mais non, mais c'est ça. D'après l'expression qui vole un œuf, qui vole. Mais j'ai même pas entendu le la. Qui vole un œuf? L'a dit. Ah ouais, ok, ok. La rapidité. Non mais il y a de la latence là. C'est 9 le chiffre. Ah ah. La rapidité. Il y a un rapport avec le chiffre. J'ai même pas calculé. Oh le. Oh il y a C'est vrai, il a dit. Putain mais. Vas-y. La dernière fois, j'avais pas compris. J'ai toujours pas compris. 0, 1, 3, 4. Je me casse le cul à faire des questions. Personne comprend ça. 1, 3. 2-1 pour Basile. La victoire est peut-être au bout de cette question. De rapidité, vous dites bien votre prénom, vous attendez, je vous donne la parole. Au Uno. Que faut-il dire à un joueur? Guillaume. Oui. Contre Uno. Contre Uno, il a tenté. Il a tenté. Un joueur qui a oublié de dire Uno. Il a tenté, il a eu raison. Ah, ouais, j'ai tenté. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça fait 2-2. Oh, la question en or, rapidité. Le péno. Guillaume. Alors, le footique ou quoi là? 0-3-4-6. C'est pas un chiffre, c'est 4. Oh non, c'est la question coquine. C'est la question co. Non. C'est la question in. Même pour. Je vous rappelle qu'il y a 2-2. Dans quelle ville normande se déroule tous les 4 ans l'Armada, qui est un rassemblement de grands voiliers. Guillaume pour... Oui. Le Havre. Mauvaise réponse, Basile. Dans quelle ville normande se déroule tous les 4 ans l'Armada, qui est un rassemblement de grands voiliers pendant une dizaine de jours? Quand? C'est une mauvaise réponse, vous pouvez à nouveau tous les deux répondre. Dans quelle ville normande se déroule tous les 4 ans l'Armada, qui est un rassemblement de grands voiliers pendant une dizaine de jours? Guillaume? Oui. Granville? Non. Basile, tu peux répondre à nouveau, tout seul. Il a épuisé toutes ces villes de Normandie. Non, si, j'en ai une autre, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas au bord de la mer. Non, non. Si, c'est au bord de la mer, mais... Non, mais ça sera pas ça. L'Armada de Honfleur? Non. Je vous laisse une dernière chance tous les deux. Après, ah ouais, non, on passe à non, sinon on passe à une autre question. Dans quelle ville normande se déroule tous les 4 ans l'Armada, qui est un rassemblement de grands voiliers pendant une dizaine de jours? Non, arrête toi là, non mais là. J'ai rien dit. T'es dubitatif. Tu fais des petits gestes là. Tu fais jazz hands là. Vous pouvez tous les deux répondre d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Dans quelle ville normale? Une réponse chacun après. Son tour. Et tu sais quoi, j'aurais même plus te regarder. Voilà. Ah ouais. Wow. Un 10. Bah, non, c'est pas normal. Dans 5 secondes, je passe à une autre question. Guillaume. Oui. La balle. Non. La balle, c'est pas du tout en Normandie. Pas en Normandie, la balle. Ah. Basile. Le Mont-Saint-Michel. Non. Avranches. C'est Deauville, non? Non. Rouen. Ah, j'ai pas Rouen. Dit ça. Ah, c'est Rouen. Ah, j'ai dit Caen. Ah, merde, oui. Rouen, c'était Rouen. Pour moi, c'est la même ville. Il y a un port, hein, sur la Seine. Ah, vraiment classé. Ah, mais d'accord. Ah, oui, c'est un vrai gros événement. Il y a des bateaux vraiment magnifiques qui. Je font, pensais que c'était un truc. J'ai déjà vu des photos. Ah, non, non, non. Ah, non, non, c'est un truc vraiment très populaire. C'est des bateaux et pas des navires. Il y a plein de grands bateaux historiques. C'est vrai, c'est des navires qui viennent des bateaux d'un seul coup. Voilà. Dès qu'ils passent. Tous les 4 ans, donc la prochaine fois. Tous les 4 ans en plus. J'ai vu la nausée. C'est en 2023, donc la prochaine fois, c'est en 2027. Toujours de 2. Waouh. Guillaume, 0, 3 ou 6 J'espère que 6, c'est la question cochonne. C'est la 0. Coquine. Donc 6. 6. Donc 3. Quel nom est donné en anglais à la décennie 1960? Basile. Basile. Les 60s. Les 60s, c'est une victoire de Basile. Oh là là là là là là. Yes. J'avais pas compris, toujours pas le règle du jeu, quoi. Genre, t'as vu 1900, t'as dit 60, j'ai dit, comment il savait que c'était le chiffre 6? La rapidité. Bravo, Basile, tu rapproches. Ouais. Et voilà, mais les énigmes de l'été pour adultes. Ensuite, tu dois nous lire une énigme. Allez. Allez. 1000 milliards de 1000 baleines. Prouvez donc que vous n'êtes pas un marin d'eau douce en choisissant la bonne réponse à chacune de ces questions. Nausée. Oh, ça a l'air nul. La France ou Hollande. Quel nom d'animal ne doit-on pas prononcer sur un bateau? Lapin. Ok, vous le saviez, donc. Pour une fois, je peux répondre aux questions. Ça mordait les cordes sur les bateaux et du coup, lapin est interdit. Quel pétrolier fait naufrage en 78 près des côtes bretonnes? Erika. À Moco Cadiz ou l'Exxon Valdez? Moco Cadiz. En fait, c'est même pas une énigme, faut le dire. Moco Cadiz. C'est quoi? Il a dit. Mais non, et en fait, je sais pas, j'ai pas les réponses, c'est d'accord. Erika, c'est en 99, là, il a dit 70 et quelques. Attendez, je vous lis un sudoku. Alors, la première case tout en haut, elle est vide. Après, il y a un 8, un 3. Vide, vide, 4, 5, 7, vide. Ok, donc c'est un 2. De, là-haut, c'est un 2. Non, je lis en ligne, je lis en ligne, je suis pas fou. Hein. Ah, oui. 1, 5, trous. 2, 7, trous. 9, trous, 8. Ah, et ça peut être des bonnes questions à trous, en vrai. Et tu lâches ça, et tu dis aux gens, alors? Bah, 2. Bah, non. Il y a un 4 dans la colonne. Mais Guillaume, il comprendrait pas que ça a un rapport avec les chiffres, quand même. Mais c'est nul, votre truc de rapidité, là. Je suis lent. Bon, Guillaume, un petit mot pour ta défaite. Heureux, malgré tout, d'avoir passé ce moment avec nous. Heureux, c'était un bon moment. Bravo, Basile, tu remportes la démission numéro 243. Est-ce que tu as un petit mot pour ta victoire? Victoire, si vous voulez. Pas de mot spécial, juste encore une fois, quoi. Arrêtez, s'il vous plaît, d'être nul, parce que moi, j'en peux plus. Ouais, vivement le placard mois... entier de cadeaux de la désémission. Vivement le mois prochain, quoi. Qu'on fasse une revanche. Qu'on fasse une revanche, ouais. Sur le. La... Dans un mois et demi, vous retrouvez apparemment, en effet. Sur Athènes, un truc Athènes. Athènes, j'ai dit Athènes. Pas Athènes. Sur la ville d'Athènes. Ah ouais, ok. C'est que sur les JO. Allez, Acropole Dance pour tout le monde. Allez. On est sur Tipeee si vous voulez donner un peu d'argent pour choisir le thème d'une question. Tipeee. D'un thème ou de toute une des émissions. On se retrouve sur Podcloud, Spotify, Podcast Addict, Podcast République, Apple Podcast, Instagram, Twitter et plein d'autres plateformes comme les plateformes. Voir condition à magasin participant. Pétrolière, merci pour celle qui suit. Je l'ai dit pas fort, mais je l'ai dit. On se retrouve dans 2 semaines en attendant garder la pêche. N'avale pas le noyau. Oui. Merci Nicolas. Et pas la pomme, il a dit. Ouais. Si, mais c'est horrible.